bienvenue à Fleury. Bienvenue à Fleury. Bienvenue à Fleury. Bienvenue à Fleury. Bienvenue à Fleury. Nique sa mère, les tons fleuris, c'est la quête de la clope parce que tout le monde n'est pas chevy. Enfermé, j'écris ma lettre et ma rime. Dans la promenade, ça s'anime, je suis timbré, j'attends un courrier de l'ami. Remercie Dieu si tu peux chier tranquillement. Remercie Dieu, potente, m'attends au détenu, pas de sentiment. J'attends l'oxy pour donner une clope, un peu d'oxygène. Un gros lot de cellules qu'à cantiner, mais qui aura que l'autre semaine. ADEMOFLEURY, ça c'est le texte d'un arrivant. MEROGIS. Tu veux tester, mais ta grand-mère, je la pèse enculée. Mais m'enfermer, je fais un yo-yo avec ma bite, qu'elle vient me la sucer, c'est la défaite. Là, je mange un 3-0, 3 enfermes plus 6 mois révoqués, je fais appel, mais y'a pas de réseau. Pour l'instant, j'ai un petit corps, mais fais vu que je tape les pompes. J'ai juste temps pour devenir poilot et niquer un tas de piétons. Dehors, j'espère que les fers pètent un pilon en pensant à ma gueule. Je tire pas la charge, prends ma touche, il me reste qu'une main pour me laver la queue. Le jour, les pigeons, les corbeaux tapent ce qui vient. Le soir, c'est les rats qui tournent dans la cour, je suis seul corso algérien. Je suis en vacances l'été 2010, ce sera au Hops. Je viens de recevoir du linge, rêve d'un pilon dans la chaussette. Mais tu connais la rengaine si ça se tape pour du tabac. Dans la télé je m'emmerde et même quand je zappe y'a que des bâtards. À la cellule d'en face ça tape à la porte sacrée. Surveillant 16h24 j'attends la gamelle, y'a que ça à faire quand t'es sur les nerfs. J'ai cantiné si les dos pour travailler mes biceps autrement. Pareil que je vais aller au dessin, peine de plus de 2 ans dans le règlement. Voilà ma vie, vise, voilà ma vision des choses. On a mis le tic dans sa cage pour pas que sa sauvagerie inonde les autres. Or on n'est pas de la hesse, mon on en fait naître la foi. Et tant que Dieu me quitte, crois-moi, ma force me fait que ça croître. Au top des clips, là je vois James numéro 1. T'es tombé sur une bombe, moi je suis tombé sur des nique votre justice, je reste libre derrière vos barreaux. Pour les vrais qui prient pour leur famille, et Allah tout là-haut. Esh, à ma sortie, je ferai de la magie. Je compte sur le refrain pour sortir son déo, le volume de parasite. Mon code détenu vient de se barrer, donc seul en cellule. Je crache du sang dans les toilettes, peur d'avoir un putain de virus. Je pisse de la haine, y'a comme un vide dans la pièce. Wesh, mec, je vide dans la haine, j'ai des ennemis dans l'arène. Eh, faut quoi que je pète des dents, quoi que je saigne des gens, jusqu'à ce qu'un de ces bâtards me descende. Wesh, poupe, c'est au quatrième, y'a de la place à côté de ma cellule. Fais une demande à la 44, je mettrais bien. T'as rien sur le pécule, et je décule. Ma haine, ma rage, un truc de ouf, man. C'est tout ce moment que j'étouffe ma vie après la rue, c'est le trou noir. Eh, voilà, là j'ai trop mal. On m'a dit de ma fenêtre, j't'ai vu pomper un truc malade en promenade. Ça s'en pompe à la demi-heure, le muscle étouffe, mais j'ai que ça. Pour me calmer au parlu, j'ai toujours pas de Carmen Electra. Besoin de douceur, avec ma pite, on est tout seul. Et surveillant, regarde pas si jumé le zizi dans sa bouche. Oups, 30 minutes, c'est vite passé. Elle n'appuie à chaque son que vous faites, n'oubliez pas de dédicacer. Putain, j'ai acheté mon premier paquet de clopes ici. J'ai appris à rouler ici. Tous les jours je me fume le corps ici. Ouais ouais, je tape pas la gamelle, c'est saoulant. Merde les chicots, dès que je sors, je rentre dans le meilleur des restaurants. Sur le Coran. Surveillant. Oh, surveillant. Ouais, surveillant. Qui c'est encore? Eh, hey, nique ta mère. Bienvenue à Fleury. Bienvenue à Fleury. Bienvenue à Fleury. Bienvenue à Fleury. Bienvenue à Fleury. Bienvenue à Fleury. Bienvenue à Fleury. Bienvenue à Fleury. Bienvenue à Fleury. Bienvenue à Fleury.